Book 2 61 61 61 الأعداد الترتيبية Les nombres ordinaux Les nombres ordinaux الشهر الأول هو يناير. Le premier mois est janvier. Le premier mois est janvier. الشهر الثاني هو فبراير. Le deuxième mois est février. Le deuxième mois est février. الشهر الثالث هو مارس. Le troisième mois est mars. Le troisième mois est mars. الشهر الرابع هو أبريل. Le quatrième mois est avril. Le quatrième mois est avril. الشهر الخامس هو مايو. Le cinquième mois est mai. Le cinquième mois est mai. الشهر السادس هو يونيو. Le sixième mois est juin. Le sixième mois est juin. ستة أشهر هي نصف سنة. Il y a six mois dans une demi-année. Il y a six mois dans une demi-année. Yanayer, février, mars. Janvier, février, mars. Janvier, février, mars. Avril, mayo, junio. Avril, mai, juin. Avril, mai, juin. الشهر السابع هو يوليو. Le septième mois est juillet. Le septième mois est juillet. الشهر الثامن هو أغسطس. Le huitième mois est août. Le huitième mois est août. الشهر التاسع هو سبتمبر. Le neuvième mois est septembre. Le neuvième mois est septembre. الشهر العاشر هو أكتوبر. Le dixième mois est octobre. Le dixième mois est octobre. الشهر الحادي عشر هو نوفمبر. Le onzième mois est novembre. Le onzième mois est novembre. الشهر الثاني عشر هو ديسمبر. Le douzième mois est décembre. Le douzième mois est décembre. اثنا عشر شهرا هي سنة. Il y a douze mois dans une année. Il y a douze mois dans une année. Julio, Augustus, September. Juillet, août, septembre. Juillet, août, septembre. October, November, and December. Octobre, novembre et décembre. Octobre, novembre et décembre.